Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Cousumain. Cette semaine, l'inceste, une série de Johanna Bedeau réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a un an, une vague de témoignages portés par le hashtag MeTooInceste déferlait sur les réseaux et que le gouvernement mettait en place une commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, pour comprendre aussi qui sont les agresseurs. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des incesteurs condamnés, des médecins qui savent l'importance de la prévention, des prises de conscience et du déni. Mais pour commencer, troisième épisode, la consultation commence. Le moral, sur la dernière semaine, vous le cotez à combien? L'appétit, le sommeil, comment ça va? Est-ce que vous avez maigri? Libido entre 0 et 10 sur les 3 dernières semaines. Masturbation par jour. L'âge préféré de vos objets de préférence sexuelle. Pas d'idées noires, pas des moments de tristesse, pas des crises d'angoisse, pas envie de mourir. Ok, alcool, tabac, plomb, tasse, kéta, cocaïne, héroïne, Red Bull, café, pas de stimulant particulier. Est-ce que vous avez eu envie de vous faire du mal aussi, de vous couper, de vous tailler, de vous brûler? Est-ce que vous avez eu envie de vous faire du mal à l'appareil génital? L'inceste, prendre en charge les agresseurs. Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quel âge vous avez consommé du porno? Hôpital La Péronie, consultation du docteur Lacambre. Vers le collège, donc je pense vers 14-15 ans. Et est-ce qu'il y avait un porno spécial qui vous excitait plus? Non, au début c'était de la découverte, donc voilà, j'ai vu à peu près différents thèmes, on va dire. Il y avait les vidéos qui étaient déjà là, et du coup j'ai visualisé au début pour découvrir. Comme MILF, comme infirmière, comme les situations un peu tout et n'importe quoi. Ouais, mais le mot-clé inceste, vous l'avez déjà utilisé? Oui, j'ai déjà utilisé. J'avais déjà utilisé quand, par exemple, comment dire? C'est vrai qu'au début, j'avais mis inceste pour d'abord découvrir, et après, je sais pas pourquoi je me suis accroché à ça. Découvrir quoi? Parce que inceste, ça veut dire quoi, inceste? Ben, inceste, c'est faire l'amour entre familles. Entre membres de la famille, donc du coup? Entre membres de la famille, ça veut dire cousine, nièce, sœur. Mère, grand-mère? Voilà. Non, mais du coup, en tapant le mot-clé, c'était quoi votre arrière-pensée? C'est de rentrer dans l'intimité des familles? J'avais un fantasme, c'est de rentrer dans l'intimité de la famille et de... voilà, de avoir des relations sexuelles, voilà, avec qui vous vouliez, ça, comme voilà, vous voulez. C'est vrai qu'après, je suis allé assez loin dans l'inceste. Que ça, je regrette un peu quand même, parce que j'allais vers des filles qui avaient des apparences de filles entre 13 et 14 ans. Donc là, je me suis dit, là, tu vas assez loin quand même. Mais j'avais une grande soif de sexe, en fait. Ah ouais, c'était une drogue, limite, hein. C'était comme les gens qui étaient, qui étaient capables de tuer quelqu'un pour avoir leur récompense, quoi. Pour moi, c'était ça. À ce point-là. À ce point-là. Sauf que ce plaisir, il a été associé progressivement à des images compliquées. Voilà, à des images compliquées, et j'allais dans la mauvaise direction, quoi. Et c'est pour ça qu'au moment quand ça s'est passé, j'avais une énorme soif de sexe. C'était... Je me rappelle de cette scène, c'était assez fort, quoi, vraiment très très fort. C'était, si j'avais pas ça, j'allais péter un câble, quoi. Mais du coup, pour la masturbation et le porno? Bah, en fait, ça se suffisait plus. C'était pas assez. Et du coup, comment expliquer, c'était instinct, quoi, sans réfléchir, en fait. J'ai pas réfléchi aux conséquences qu'il va avoir après. Dans ma tête, c'était... Fais-toi plaisir, c'est important. Fais-toi plaisir, c'est important. Voilà, il faut... Et y compris avec la petite nièce. C'est ça. Parce qu'il y a une relation particulière, la confiance, il y a de l'affection. C'est ça, c'est sans réfléchir, c'est va vite, sinon tu vas péter un câble. Faut décharger tout ça, en fait, voilà. Avec elle. Voilà. Mais dans la relation, malgré tout, c'était pas dans la relation. Pour vous, c'est comme si ça n'existait pas à ce moment-là et vous n'êtes plus là? Ou c'est quand même dans la relation, c'est inscrit avec elle? En fait, au moment où ça s'est passé, c'était pas une relation couple, c'était pour moi un besoin viscéral. Physique. Voilà, un besoin physique. Rien à voir avec, j'ai pas de fantasme avec les petites filles, ça m'intéresse pas. C'est juste, j'avais besoin de ce moment, en fait. Voilà. Ok. Qu'on soit clair aussi, vous n'êtes pas attiré sexuellement par les petites filles. Non, pas du tout. À aucun moment, on a évoqué un trouble pédophilique. Il n'y a pas de pédophilie. Non, mais on est d'accord là-dessus. Ouais, on est tout à fait d'accord. Cependant, ça s'est passé, c'est arrivé. C'est ça. Elle avait quel âge ? Je crois qu'à l'époque, elle avait 11-12 ans à peu près. Ok. Donc, c'est votre nièce, elle est là. Ouais. Donc là, je ne comptais plus. J'avais besoin, c'était impératif, quoi. Et compulsif. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est le mot juste, compulsif, quoi. Est-ce que vous auriez aimé, vous, avoir des relations sexuelles avec une femme plus âgée ? Oui. C'est-à-dire être incesté par une tante, par exemple, oui, une oui, cousine ? Oui, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est vrai que même à l'époque, avant que j'aille fait ça, j'avais aussi des idées... Ou quand j'allais à Lyon voir ma demi-sœur, qui était, je crois qu'à l'époque, elle avait 40-45 ans, ben j'avais envie de faire l'amour avec elle. Elle vous faisait fantasmer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et dans ma chambre, ben, je masturbais en pensant et en visualisant comment ça se passait, fantasy. Mais j'allais jamais, voilà, j'allais jamais demander ça, c'était impossible. Mais si une femme plus âgée aurait abusé de vous à l'âge de 11 ans ou 12 ans ? Ah, ça aurait été magnifique. Je suis désolé à dire ça, mais ça aurait été top, hein. Franchement. Et je pense que dommage ça s'est pas passé comme ça, parce qu'au moins il n'y aurait pas eu ce problème avec ma nièce. Ah, vous pensez ? Donc si vous aviez été, vous, victime d'inceste d'une tante, de la part d'une tante, il n'y aurait pas eu ce problème, c'est ce que vous pensez ? Je formule une autre hypothèse. Si vous aviez été victime d'inceste, je pense que ça aurait participé au fait que ça soit encore plus facile d'aller vers votre nièce. Parce que les limites... tombe, on ne considère plus la question de la relation familiale ou de l'âge comme un problème, un obstacle ou une barrière. On considère qu'à 11 ans, on est en capacité de choisir d'avoir une relation sexuelle avec sa tante ou sa grand-mère. Et pour moi, c'est un problème. Et si on fait tomber cette limite, après, ça autorise à aller jusqu'à la nièce. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? En fait, moi, je sais que quand ça s'est passé avec ma nièce, j'ai toujours demandé, j'ai jamais forcé. Au départ, c'était, elle se mettait à côté de moi et je commençais à la toucher. Et je voyais que ça la dérangeait pas. Donc du coup, après j'ai demandé, voilà, ça te dérange pas si je peux toucher pour que ça me fait du bien. Et au départ, elle m'a dit, non, il n'y avait pas de souci. J'étais un peu choqué sur ça parce que je m'attendais pas à ça, en fait, comme réponse. Et après, au fur et à mesure des mois, elle commençait à avoir marre. Et moi, j'avais toujours besoin. C'était une drogue, quoi. C'était... Voilà. On comprend bien, du coup, comment ça s'inscrit, ça devient compulsif, etc. Sauf que la demande que vous avez faite auprès de votre nièce, à laquelle elle accède par amour pour vous, et dans l'incapacité de discerner, vous ne l'adressez pas à votre tante. Parce que vous auriez pu aussi vous poser contre votre tante, là, qui vous est fantasmée, puis lui caresser, puis lui dire, est-ce que ça te dérange ? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'aurais jamais osé demander. Parce que c'était une adulte. Comment expliquer ça ? Je sais comment ça va se passer. Ça serait certain. Si j'aurais fait ça avec ma tante, elle m'aurait dit, t'abuses, je suis ta tante, il faut arrêter, quoi. On se calme. Elle m'aurait quasiment calmé, quoi. Et là, j'aurais dit, excusez-moi. Ça aurait marché. J'aurais dit, excuse-moi. Donc, voilà, à 11 ans, une petite fille, est-ce qu'elle peut faire ça ? Est-ce qu'elle sait faire non, ça ? C'est vrai que non. Non, et je pense que le fait qu'elle avait 11-12 ans et que moi j'étais adulte, je pense qu'elle était impressionnée, comme quoi voilà, j'étais plus grand, donc je sais pas. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ? Maintenant, je mets à la place de ma nièce et j'essaye de ressentir ce qu'elle a senti. Quelle différence vous faites entre l'inceste et pédophilie ? Si j'avais 11-12 ans, quelle réaction j'aurais ? L'inceste, c'est de la pédophilie, et mais toute la pédophilie n'est pas incestueuse. C'est passé là. Par exemple, que j'avais... Si par exemple, j'ai... Mais elle l'est globalement, enfin, en grosse partie. Mais après, il y a des pédophiles qui veulent pas... qui cherchent pas que dans leur famille, c'est ça que je veux dire. Les criminels qui... Enfin, j'en sais rien. Ils sont pas que dans le cercle familial. Si, en grosse partie. Après, je suis peut-être ignorant à ce niveau-là. Vous en savez bien plus que moi. Non, c'est votre représentation, différence entre inceste et pédophilie. Je sais pas. Inceste et pédophilie. Ouais. Et c'est... Il y a pédophilie de manière incestueuse et pédophilie de manière non incestueuse. Je sais pas. Quelle est la différence ? Mais c'est un frère de 25 ans avec sa sœur de 22 ans. Ben, il y en a un, c'est plus grave. C'est encore plus grave que la pédophilie normale. La pédophilie normale. Ben, la pédophilie non incestueuse, je sais pas. C'est ça que je veux dire. Un frère de 25 ans, 24 ans avec sa sœur de 22 ans, c'est quoi? Ben, c'est de l'inceste. Ouais. Mais c'est pas de la pédophilie. Ben, y a pas de mineur, là. Non. Une tante de 32 ans avec son neveu de 16 ans. Là, c'est les deux. C'est une question pour un champion, ouais, en fait. Et ben non, en fait. Ah bon? Ouais. La pédophilie, c'est une histoire de préférence trop sexuelle pour les enfants prépubères, ouais. Et 16, donc à 16 ans, j'espère qu'il est pubère, le neveu, là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Puis parfois, c'est le fantasme du neveu de pouvoir coucher avec sa tante. Oui, mais si ça reste du fantasme, ça va. Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut fantasmer des relations sexuelles avec des mineurs? Bah, non. Ça, c'est la pédophilie. Une préférence sexuelle pour des mineurs, complète ou partielle, c'est la pédophilie. Hmm? C'est un trouble psychiatrique. Okay. Donc, on peut être ou souffrir d'un trouble pédophilique sans jamais agresser sexuellement un enfant. Jamais, jamais. Un parent incestueux, il aime son enfant, il aime pas tous les enfants, ou il aime le membre de la famille. J'aime une personne dans une relation incestueuse. Enfin, j'aime. La justification pour avoir des relations sexuelles. Mm. Dans la pédophilie, on a une attirance sexuelle pour tous les enfants. Est-ce que vous-même, vous avez l'impression, le sentiment d'être pédophile? Ben, non. Mais après, à quel... Enfin, c'est ce que je disais à l'instant. Mais non. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis surpris par des choses et où je pense à des choses que... Mais qui s'en vont très vite. Mais dans la vie de tous les jours, je sais pas, j'habite en lotissement, il y a une gamine en culotte à la fenêtre et ça va me faire un... Mais ça part très vite, genre... et après, je détourne l'attention. Je m'en fous. Mais ça me rappelle des choses, en fait. C'est pas pareil. Ça m'envoie en flash les moments où je me perds et mais il n'y a pas de... Non, je suis en mode... Parce que là, on est plus dans une séquence qui renvoie à ce que vous avez subi, vécu... Mais c'est ce que je disais, en fait. C'est que dans la réalité, je pourrais jamais, jamais, jamais toucher une gosse ou la soudoyer ou lui faire croire que machin truc. Non, c'est pas possible. Mais devant mon ordi, à des moments où je m'oublie, comme on disait, la différence de... C'est le fantasmagorique et le machin, on s'était laissé sur un truc comme ça. Et ben c'est ça, c'est comme si... Alors c'est débile, hein, mais c'est comme si ces gamines n'existaient pas. Pour de vrai, vous voulez dire. Oui, alors qu'elles existent. Mais c'est là, c'est une espèce de justification pour, je sais pas, pour me dire que... Vous autorisez, vous permettez. Ouais, c'est ça, c'est nul. Hein, et décharger sur le plan de la culpabilité, la dimension morale, voilà, voire même ça. De votre propre histoire, hein, parce que ça parle de vous à chaque fois. Hmm. C'est petite fille, petit garçon, c'était... Non, que fille. Petite fille. Oui. À votre avis, est-ce que c'est suite à ce que vous avez subi en tant que victime d'inceste? Évidemment. Non, mais je pose la question. Ça veut dire que c'est à la sortie du tunnel ou c'est arrivé dès les premières violences subies? Bah, je sais pas, j'avais 7 ans. Ok. Je sais rien, mais en tout cas, à 13 ans... même dès le début, je sais que je me masturbais sur des hentai pédoporno et que pour moi, c'était normal. C'était normal parce que... À 13 ans, on n'est pas pédophile. Non. Bah voilà. Enfin, je sais pas, moi j'ai déjà réfléchi au truc depuis longtemps. Parce qu'il y a eu un moment aussi au début où je m'en mettais plein la gueule, je me disais qu'il fallait que j'aille en prison, que je méritais de crever et tout, parce qu'il y a eu aussi des problèmes avec ma petite sœur. Mais quand j'avais 13 ans, quoi. Donc, ça a fait aussi que j'ai pas vu ma sœur pendant super longtemps, parce que j'avais peur de moi face à elle. Parce que, vu ce qui s'était passé dans le bain, quand elle était petite, etc., voilà. La séquence dans le bain, c'était aussi compulsif, c'était un besoin, c'était parce que vous estimiez que c'était naturel, parce que vous en aviez envie, c'était exploratoire. Ah, je sais pas, ça remonte, et c'est tellement quelque chose de douloureux à repenser, mais je sais pas, j'étais marabouté. Moi, j'en suis sûr qu'il m'a montré du pédoporno quand j'étais gamin, en plus enfin, je sais déjà qu'il m'avait montré du porno, ça, j'en suis sûr. Mais peut-être, j'en sais rien. J'ai des gros blancs, enfin, je me souviens plus du tout de ces moments-là. Mais parce que, je sais pas, parce que quand j'étais avec... Ouais, il y a eu plusieurs moments quand j'étais avec ma sœur dans le bain, où je sais pas, il y avait ce truc. J'étais possédé par des pensées trop bizarres sur ça, alors que j'étais. Sexuel, Oui, génital, etc. oui. Ça parle de vous à chaque fois que vous regardez ces images, ça Oui, parle de oui, vous. oui. Donc, qu'est-ce que vous cherchez là? Pourquoi retourner sur la scène de crime? J'en sais rien. Si je le savais, je le dirais, j'en sais rien. Je sais pas. C'est. Il y a un côté, c'est plus fort que moi. Après, plus le temps passe, et plus j'arrive à travailler dessus. Avant, ça avait un côté récurrent et un côté limite obligatoire. Maintenant, j'arrive beaucoup plus. Même des fois, je me surprends à arrêter, à changer, à revenir sur du porno classique, alors que j'étais parti sur du pédo. Donc, plus ça va, plus j'avance sur ça. Et je pense qu'il y a un moment où ça me traversera même plus l'esprit. Et j'espère, mais pour l'instant, ça se raréfie de plus en plus, et quand ça arrive, je pourrais pas dire pourquoi ça arrive. Franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, il y a des situations qui le rendent possible. Oui, quand je suis seul, oui, Non, ça c'est sûr. mais... Oui, par exemple. Mais donc ça veut dire que c'est quand même sensible à l'environnement. Bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir fumé ou bu avant, Ouais, ça favorisait ça? ça c'est J'ai sûr. beaucoup fumé. Ouais. Donc le fait de vous prédissocier, ça favorise finalement aussi. Carrément. Parce Donc que j'ai beaucoup moins conscience de ce que je suis en train de faire. oui, donc vous altérez votre niveau de conscience et ça favorise ces allers-retours aussi. Fatigue ou fume. C'est les deux choses qui. Je le vois. Il faut pas que j'aligne les planètes pour que ça arrive, quoi. Si je sais ce qui va potentialiser, il faut que j'évite de faire en sorte que tout se coïncide. Traitement, médicaments, vous prenez quoi? Bah, comme d'hab. C'est-à-dire? Doliprane, Bipropionide et du Loxitine le soir. Du Loxétine 60. Ouais. Super, tous les soirs vous y arrivez? Ouais. Excellent. La douleur entre 0 et 10? Franchement, ça dépend de ce que je fais. Je dirais 3 tout le temps. Et après, selon les moments, ça peut être de 5 à 7. En fait, ça dépend de ce que je fais. Si je fais plein de trucs dans la maison, si je fais de la vaisselle, je nettoie un peu. Si je vais faire mon sport, si c'est la fin de journée, j'ai fait mes exercices au sol, mon cardio, j'ai fait des trucs dans la maison et tout, je suis cassé. Là, je suis à. Là, je fume parce que sinon, j'ai trop mal. Mais ça dépend du moment de la journée, en fait. J'ai bien repris le sport. Je vois 2 fois mon kiné par semaine, et heureusement. Et c'est ça qui fait que j'ai pas trop mal au dos. J'ai perdu 40 kilos aussi. Duloxétine, est-ce qu'on peut le garder, s'il vous plaît? Ouais, Parce bah qu'il oui. y a un phénomène de renforcement dans le... S'il fallait coter l'humeur, le moral entre 0 et 10, là, sur les 2 dernières semaines, vous êtes à combien? Sur le prochain Bon, je dirais entre 0 et 10, j'irais 8, moi. Ah, bien. Ouais, bah. Votre fille, il y avait la possibilité de la recroiser l'été, etc. Il y avait des perspectives. Est-ce que vous avez réussi à vous voir? Non, cet été, on n'a pas réussi parce qu'elle a travaillé. Ok, mais tout le temps? Bonne soirée. Tout le mois d'août, je ne l'ai pas vu, ma fille, là. On s'est vu qu'au téléphone. Ben, je l'ai vu encore hier soir parce que maintenant, elle est à l'école, commencer l'école à Limoges. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue physiquement, pour de vrai? Oh là, ben, ça va faire là, 10 ans. 10 ans? 10 ans. Et oui, elle a 18 ans. Elle avait 8 ans quand je n'ai pas revu. 10 ans. Mais j'ai l'impression que, parce qu'on se parle beaucoup, en fait, on se dit tout, quoi. Et c'est comme si j'avais l'impression que j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, je la vois en image, quoi. La façon qu'on se parle, c'est pas comme si qu'on ne s'était pas vu depuis X années. Je sais pas. J'ai pas l'impression que. Et depuis petite, vous aviez une relation privilégiée avec elle. C'est Oui. comme si c'était naturel. Tout à fait, ouais. Et pour vous, là, cette relation privilégiée, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'était plutôt un facteur de protection par rapport justement aux événements, là, et à la question de la sexualité? Parce que parfois, on ne se voit pas partir, on est dans une relation intime, de proximité, et puis il peut y avoir un geste déplacé qu'on n'a pas vu arriver. Non. Parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Mais juste, votre sentiment à vous. Oui. Il y a une relation, j'allais dire privilégiée, particulière, dans laquelle il y a eu un accident. On peut appeler ça comme ça. Comment est-ce que le mot qu'on mettrait dessus? Moi, je ne vais pas dire qu'il y a eu l'accident. Quoi, l'accident comme la séparation? Oui, Oui, d'accord. ça, je veux bien qu'on dise qu'il y a eu un accident de la séparation. Je veux bien qu'on les a enlevés. Ouais. Pour On les a enlevés, ouais. un motif que, bon, j'ai toujours nié les faits, d'ailleurs. Mais Après, on me l'a séparé, mais ce qui était bien, c'est parce que je suis toujours resté en contact avec elle malgré tout. Et quoi, c'était pas bien qu'on soit séparés, mais on est toujours resté en contact en fait. Malgré que j'avais pas le droit, mais j'ai toujours fait quoi. Qui en avait plus besoin d'après vous? Je pense que ma fille, parce que ça m'appelle souvent quand même, ma fille, je sais qu'elle me dit tout, quoi, elle me raconte tout, elle me parle de sa mère parce qu'elle la voit plus. Mais je pense qu'elle est contente que je suis là, quoi, en fait, qu'on puisse se parler et tout, quoi. Et qu'elle puisse compter sur vous. Ouais. Elle peut compter sur vous. Tout à fait. Ouais, ça là-dessus, c'est que s'il y arrivait quoi que ce soit, si elle a besoin de quelque chose, elle me le demanderait. Parce que là, je lui ai redemandé, je lui ai dit hier, elle m'a dit oui, t'inquiète pas, papa, je t'appellerai s'il y a quelque chose qui va pas, tout. Puis bon, elle a 18 ans, quoi. Maintenant, elle est grande. Bah ouais, elle essaie de me faire comprendre aussi un peu, quoi. Est-ce que vous savez si elle a un copain? Non, elle en a pas. Non, non, non. Elle en veut pas? Non, pas. Bah pour l'instant, non. Bon, elle a son papa, donc ça suffit. Comment? Elle a son papa, donc ça suffit. Oui, pour l'instant, oui, oui. Non, non, non, elle veut pas. Des fois, je lui pose la question, je lui dis, pas. Non, non. Sur la question des enfants, vous, les enfants, enfin, je veux dire, vous entendez bien avec les enfants, les enfants de votre compagne, etc., machin. Mais est-ce qu'il y a déjà eu pour vous des fantasmes, des pensées à connotation sexuelle qui concernaient des enfants? Moi? Oui. Non. Quelle différence vous faites, vous, entre l'inceste et la pédophilie? Ben déjà, la pédophilie, de presque... Enfin, moi, je m'ai trop écouté, enfin, je vois ce que c'est, mais... déjà, la pédophilie, je trouve que c'est pas bien, quoi. C'est pas une chose qui est pas bien du tout, même. Personnellement, un pédophile, quoi, en fait, c'est pas terrible, quoi. Je parle pas trop ces choses-là, parce que j'aime pas trop ça, alors, mais bon... Ouais, enfin, on peut parler de la guerre sans aimer ça. Oui, oui, oui, oui. Non, mais moi, j'appelle ça des porcs, moi. Des porcs? Ouais. Ah. Et du coup, c'est quoi la différence entre... un pédophile et quelqu'un qui commet un inceste? J'ai pas compris. L'inceste, c'est quoi pour vous? L'inceste, vous connaissez le mot? Non, justement. Vous connaissez pas le mot inceste? Non. Vous savez pas ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Inceste? Non. Ok. Quand une maman, elle a une relation sexuelle avec son petit garçon. Oui. Comment ça s'appelle ça? Une maman qui a une relation avec un petit garçon. Avec son fils, son avec fils. Son fils, bah, je ne sais pas du tout. Alors là, ah oui? Non, je me suis jamais posé la question. Est-ce que ça existe? Oh bah oui. D'accord, non, mais... Ah oui, oui, oui, j'en suis sûr et certain. Est-ce que c'est de la pédophilie? Faudrait dire aussi, pour moi je mettrais ça dans le sac, pour moi non, c'est pas de la pédophilie, parce que, mais enfin je sais pas. Pourquoi? J'en sais rien du tout en fait, vous me posez une question, franchement, mais en fait je n'aurais pas l'idée de coucher avec la mère, pourquoi, ouais, je sais pas. Ça vous viendrait pas l'idée de coucher avec qui? Mais non, mais de manière que ce soit la mère qui couche avec son fils ou le père qui couche avec sa fille, ça se fait pas, quoi, c'est tout. Oui, est-ce que c'est de la pédophilie? D'après ce que je crois, non. Bah donc voilà. C'est de l'inceste. Ah. Ah d'accord. Ah bah je savais pas du tout. Ah bah vous êtes bien fait de venir. Ouais, ça. Et non, je savais même pas comment on appelait ça en fait. Ah oui. Donc voilà, le fait d'avoir une relation sexuelle au sein de la famille. Au sein de la famille, hein. Ouais, mais c'est-à-dire que ça, je comprends. Au sein de la famille, si un frère et une sœur, même s'ils sont majeurs, ont une relation sexuelle, on parlera d'inceste. Un grand-père avec sa petite fille, on parlera d'inceste. Ouais. Non, je savais pas du tout. Mais non, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, puis on m'a jamais parlé. Okay. Vous, dans votre famille, à vous, oui. Est-ce que vous avez déjà été victime de gestes? Non. Sexuel de la part de membres de la famille? Non. Jamais? Non. Donc vous n'avez pas été victime d'inceste? Non, non, non, personne de la famille d'ailleurs, sinon je l'aurais su. Hein. Ah oui? Bon, des fois il y a des secrets, vous savez, dans les familles. Oui, possible qu'il y ait des secrets, mais dans la famille, dans les frères et sœurs, on était quand même assez soudés. Hein. Ça fait. Fin juillet, c'était votre anniversaire, vous l'avez fêté? Oui. Donc et vous l'avez fêté en famille, entre amis? Entre amis, ouais. Ouais. D'ailleurs, on a même été manger au restaurant. Bon, j'ai fait que manger au restaurant pendant les vacances. Alcool ? Je vois pas l'alcool. Ah ben toujours non, pas. Non. Et du coup, médicaments, est-ce que... Non. Rien. Rien. Pas de médicaments, pas de drogue, pas d'alcool. Un peu de sexualité quand même, vous avez une sexualité. Même dans les restaurants, quand ils leur disent une grenadine, ils me regardent. Mais oui, une grenadine, il n'y a pas de honte. Tout de suite, non, moins qu'une grenadine, du roi, je fais ce que je veux. Et du coup, une sexualité quand même. Parce que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, oui. Vous sortez oui, peu, oui, vous avez une sexualité qui est satisfaisante. Oui. Et avec votre compagne, c'est... exclusivement avec elle que vous avez du sexe et de la sexualité. Oui. Et pour vous, ça permet d'atteindre, pas les objectifs, mais ceux dont vos besoins, de remplir tous vos besoins. Tout à fait. Donc même en termes de fantasme, il n'y a pas besoin, ou à la non. télé, ou à ordinateur, non, ou au téléphone portable, ou la voisine, ou non, rien non. ni personne. Non, la voisine, non, non plus. Je sais pas. Enfin, il y a des jolies voisines, quoi. C'est pas grave. Non, non, mais bon, on a un certain âge aussi, quoi. Ah. Mais même si elle était plus jeune, ça ne sert à rien. J'en ai une copine, ça n'est pas bien de 50. Hein. Oui, mais après, ça peut être juste en la voyant, on se dit, tiens, c'est non, une belle personne. Non, non, non. C'est pas forcément. Oui, oui, non, mais non. Non, puis j'ai même été à la plage, c'est pas pour ça que j'ai vu des filles en maillot de bain, que ça m'a donné. Oui, c'est vrai, vous êtes. Oui. Mais non, pas du tout. Non, mais moi, une fille, ça me suffit, j'avais pas besoin de 50, moi. Pas envie d'avoir des problèmes, moi. Ah oui. Ouais, non, c'est bon. C'est trop des problèmes. Ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Hein. J'étais oui, inquiet. Oui, hein. Oui, ça va mieux quand même. J'étais inquiet. Quand est-ce qu'on se revoit? À 17h. Ça bute sur la question de l'inceste. En octobre, début novembre, ça vous va? Ça n'a pas été possible d'envisager la question de la relation sexuelle avec sa fille. Mais il a fait plusieurs lapsus, dont un qui était énorme, en disant « Moi, une fille, ça me suffit. » Il a qu'une fille, garçon. Octobre ou novembre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Fin octobre. En psychologie, quand ça frotte, ça fait du symptôme. Et quand on ne peut pas envisager la réalité, il y a en gros 3-4 manières. Le déni, la dénégation, le clivage. Et puis à la fin, quand ça déborde, on délire. C'est une manière de réajuster son rapport à la réalité. Le mot, ben non, ce mot n'existe pas. C'est-à-dire c'est clivé, ça n'existe pas. On n'est pas dans déni des négations, c'est même au-delà. Quoi. Brac. Surtout que la foi d'avant, je l'avais bien expliqué. Lui, il nie les faits, farouchement. Ça a traîné et puis finalement il a été condamné. Mais il a toujours maintenu le lien et la relation avec sa fille. Et donc il était en prison, j'ai rencontré en prison. Et donc il était au bâtiment A. C'est-à-dire chez les pointeurs, c'est-à-dire avec un étage d'agresseurs pédosexuels et de pédophiles, et en cellule avec des pédophiles. C'est pas uniquement au sens de la perversion et de la manipulation, c'est qu'il est pris aussi dans les mécanismes inconscients de renégociation. Donc il a injonction de soins avec suivi socio-judiciaire des soins pénalement ordonnés jusqu'en 2024. Il avait interdiction de communiquer avec sa fille jusqu'à sa majorité, elle vient d'être majeure, et donc maintenant il communique officiellement. Alors dans la consultation ambulatoire, nous recevons tout type de personnes, de tous les sexes, les mineurs à partir de 15 ans et sans limite d'âge. Donc on a une file active là autour de 400 patients. Nous sommes la seule activité qui a continué d'augmenter en ambulatoire en 2020. Toutes les activités ambulatoires du fait de la pandémie ont diminué et nous sommes les seuls. On a été très attentifs à ne pas laisser les patients tout seuls avec leurs écrans pendant la pandémie. Et donc on a développé des alternatives avec des visios, avec des appels téléphoniques. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a continué d'augmenter notre activité ambulatoire. Donc le profil, ce sont des patients qui sont orientés soit par la justice, en pré-sententiel ou après une condamnation pour... avoir commis une infraction à caractère sexuel, depuis la cyberpédopornographie jusqu'à des agressions sexuelles sur mineurs ou des viols. Et puis on a une petite portion congrue qui est en train d'augmenter progressivement d'année en année de patients qui viennent spontanément, soit avant de commettre un passage à l'acte, et c'est notre, vraiment, j'allais dire espoir, mais c'est notre travail que de pouvoir favoriser l'accès à la ressource soignante, ou sinon qui ont terminé leurs soins pénalement ordonnés, qui ont vraiment rendu des comptes à la justice, mais qui souhaitent continuer un travail autour de leurs problématiques. Et lorsque nous confirmons l'indication et l'opportunité de poursuivre ce travail, on continue ensemble Et c'est comme ça qu'on voit des gens depuis 10 ans qui n'ont plus d'obligations et contraintes judiciaires, mais qui continuent à s'engager dans un processus de changement et de soins. Donc là, on est en détention au milieu carcéral. On est à 7000 consultations de psy par an, avec une file active spécifique autour des infractions à caractère sexuel. Des prises en charge psychiatres et groupes de parole. Et puis on avait mis en place des thérapies familiales avec la détention. C'était très compliqué dans cette période sanitaire, mais au parloir, on peut rencontrer des familles avec le patient dans un dispositif thérapeutique. Ce dispositif, on l'avait beaucoup développé en ambulatoire à l'hôpital et on l'a mis en place ici, malheureusement, au début de la pandémie Covid. Donc ça, c'est la prison, c'est notre équipe ici. Si je reste sur une approche psychologique, ce qui est constaté, c'est un problème narcissique de très très grande envergure chez quasiment chacun d'entre eux, qui se manifeste de la manière suivante, c'est-à-dire que ce sont des sujets souvent très égocentriques, très centrés sur eux-mêmes, rigides, qui ne critiquent pas leur manière de voir, d'appréhender les choses, de penser. Linda Tromeleu, psychologue clinicienne. Et ce problème narcissique d'envergure les détourne de l'autre, si bien que l'autre n'est pas perçu comme un sujet à part entière. Et souvent, cet autre va être relégué à une place instrumentale, une place de service. Alors, ce qui va de pair avec ce problème narcissique, que l'on peut se représenter comme un gouffre dans lequel ils vont pousser les sujets victimes, ce qui va de pair, ce sont des carences empathiques majeures sur un plan émotionnel. Et puis, ce qui va de pair aussi, c'est qu'ils vont tisser des relations asymétriques, c'est-à-dire dans lesquelles ils vont être dans des prises de pouvoir. Puisque, je le disais, l'autre n'est pas considéré comme un autre à part entière. L'autre va être utilisé, jusqu'à même être exploité, écrasé. Ce sont des sujets aussi très dissimulés, très secrets. Ils ont un rapport pathologique au secret, on pourrait même dire à la vérité. Si bien d'ailleurs que lorsque nous les prenons en charge, ils taisent, ils dissimulent, ils minimisent, ils banalisent. Ça aussi, ça fait partie de leur trait de personnalité et de fonctionnement. Ce que je remarque aussi, c'est qu'ils interprètent les contextes à leur guise et bien sûr à des fins de violence. C'est ce que l'on appelle souvent les distorsions cognitives. Et ce qui est, je pense, systématiquement retrouvé, c'est ce que l'on appelle l'inversion projective de la faute. C'est-à-dire que la victime est coupable de ce qui lui arrive ou le monde va se trouver en responsabilité de ce qu'ils ont pourtant commis. C'est une façon typique de légitimer ce qui est pourtant illégal. C'est ce que j'appelle aussi la communication abusive. Je pense que c'est un trait de personnalité et de fonctionnement, cette notion de banalisation, minimisation, ou alors trouver des causes extérieures à eux-mêmes qui vont expliquer leur comportement pourtant extrêmement grave. Et puis, ça rejoint aussi les difficultés émotionnelles. Quand je dis difficultés émotionnelles, ce n'est absolument pas pour les dégager de leur responsabilité, parce que je pense que la plupart ont conscience de la communication qu'ils tissent avec l'interlocuteur et ils ont conscience que cette communication a la fonction de perdre l'interlocuteur dans la compréhension justement de la gravité de ce qui s'est déroulé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Hello. On attend. Elle est moi aussi. Pardon. Pauline, ça va? Bonjour. Donc là, c'est le mouvement, c'est la ruche qui commence. Bon, ça va? Très bien, et toi? On va attaquer les consultations, d'accord? D'accord, ça marche. Je vais bien voir. Ok, écoute, ça roule? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quel âge? 29 ans. Et vous êtes au centre de détention? Comment il s'appelle ce centre? Villeneuve-Bagelonne. Et j'y suis depuis le mois de février. Comment ça se passe? Difficile, mais on essaie de tenir le coup. On essaie de faire passer le temps comme on peut. La consultation aujourd'hui, vous venez voir le docteur Lacombe, pourquoi? Pour faire une actualisation de mes médicaments et aussi pour parler à quelqu'un qui me suit depuis plus de 4 ans. Donc ça fait très important pour moi de lui parler, de guérir de mes problèmes. Il me suit aussi à l'extérieur, à l'hôpital de la Péronie aussi. Je suis en mandat de dépôt, du coup je ne sais pas du tout si je serai renouvelé ou pas. C'est 4 mois renouvelables jusqu'à 1 an. Vous êtes déjà venu ici? Oui, il y a 4 ans. Des erreurs de jeunesse qui ont fait que je suis venu ici. Des idées un petit peu bizarres que c'est dur d'évoquer. Mais pour moi, ce que j'ai fait, c'est que je mérite ma place ici. Je vois le docteur Lacan assez régulièrement pour pouvoir m'aider à aller mieux avec le traitement et la conversation. Je pense que c'est la meilleure solution pour ne pas récidiver. Et donc c'est parce que j'ai diminué le traitement que je suis revenu finalement à la casse-prison. C'est un traitement un peu sur les pulsions, ça peut être aussi contre le suicide, ça peut être contre l'ennui. Donc c'est un peu tout ça, c'est des médicaments qui font en sorte qu'on va mieux. Bon, on va dire que c'est une maladie que je sens, que j'ai depuis l'âge de 14 ans et que j'arrive pas à m'en détacher. Et donc c'est pour ça que je suis là, parce que j'ai pas réussi à me retenir. Il n'y a pas d'acte, mais c'est surtout des idées et, qui font qu'il peut avoir un passage à l'acte. Donc c'est pour ça que je suis aussi ici, pour faire en sorte que je ne récidive pas dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous fait peur, Alexis ? Les autres détenus. Parce que quand on est ici pour une affaire de mœurs, on est de suite plus victime en violence. Donc c'est le coup détenu, la promenade, tout ça, ce sont des éléments qui font qu'on se sent bien ou on se sent mal selon si on a des problèmes ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie de pour vous à la retraite ? Mais de plus récidiver, de pouvoir construire ma vie tranquillement et d'avoir une vie normale comme tout le monde. Parce que j'ai jamais réussi à me projeter dans la vie adulte, donc je reste bloqué dans un stade enfantin dans ma tête et c'est ça que j'arrive pas à me détacher. Là vous avez quoi ? Donc une fiche orange ? Oui, c'est pour mon prochain rendez-vous. Avec le docteur Lacan, c'est ça. D'accord. Vous le voyez tous les combien de temps là ? Une fois par semaine. D'accord. Donc c'est quand même un suivi qui est très régulier, très important. Si on polarise, même si je caricature les choses, l'inceste, pathologie socio-anthropologique et psy, un certain niveau de la relation, où c'est ma sœur, c'est mon enfant, c'est mon prolongement, c'est possible, versus pédophilie, pathologie, trouble du sexe, de la sexualité, de la préférence sexuelle. Mais autour de ces deux pôles, des multiples déclinaisons. Donc pour nous, il s'agit systématiquement d'identifier, s'agit-il d'un trouble de la relation ou d'un trouble de la sexualité ? Et dans quelle mesure on est sur une personnalité compliquée, avec ou pas des aménagements pervers, psychopathiques ou paranoïaques, qui sur plan psychopathologique sont les sujets les plus compliqués, difficiles et dangereux. Donc en permanence, on est dans ces explorations diagnostiques, en se méfiant de soi-même et de ses propres projections. Parce que là aussi, on a tendance à y aller vite en disant bah, « ça y est, j'ai tout compris ». C'est non, la toute-puissance du thérapeute et de l'expert. Oh, c'est bon, je maîtrise. Ben non. Et heureusement, et tant mieux, les patients sont là pour nous le rappeler régulièrement. Hein. Ce qui nous permet de rester humbles, modestes. S'ils avaient bénéficié de tout le programme boîte à outils de prévention, ils ne seraient pas ici aujourd'hui. Simplement pour pouvoir accompagner des processus d'interaction adaptés autour du libre arbitre du consentement, de la gestion des émotions, même des pulsions, du sexe, de la sexualité. Parce que là, ils sont farcis de ce que nous on appelle des distorsions cognitives, des fausses croyances, des fausses représentations qui permettent de justifier la poursuite et le maintien d'un comportement, d'une conduite, en s'épargnant la dimension de culpabilité et morale. C'est une catastrophe. Allô ? Allô ? Bien sûr, ils sont en conscience, il n'y a pas de troubles mentaux au sens d'une maladie mentale, sauf s'il y a une maladie mentale, dans quel cas, bon, il faut j'allais revoir la copie, hein. Mais sinon, non, c'est en conscience. Magali Baudon-Bruzel, psychiatre. Sur cette question-là, c'est intéressant parce que souvent les patients, et même tout simplement quand ils ne sont pas en position dans un contexte de soins, disent « c'est une pulsion ». Alors on a la fameuse pulsion qui arrive. Voilà. Alors c'est quoi une pulsion ? Ah ben c'est une pulsion. Bon, j'ai une pulsion, j'ai eu envie de fumer une cigarette, j'ai une pulsion, j'ai eu envie d'aller m'acheter je sais pas quoi, j'ai une pulsion. Bon, la pulsion sexuelle c'est vrai, c'est-à-dire que à un moment donné là l'acte se fait, peut-être sans qu'il soit mentalisé à l'avance, ça c'est possible. Ça change rien sur le fait que c'est une personne qui engage sa liberté dans l'acte qu'elle commet. C'est-à-dire qu'elle le commet complètement. Moi, je fais un truc que j'aime beaucoup faire. Je fais avec mes patients, je fais l'équation criminologique. J'écris sur un tableau, parce que je fais un peu la maîtresse d'école. J'écris sujet, alors S, plus CE, circonstance externe, entraîne, je fais une flèche, entraîne A, acte, plus V, victime. Je dis voilà. une personne plus des circonstances particulières. Alors la personne avec tout ce qu'elle a de son monde interne, de ses propres fragilités, de sa propre histoire, de sa propre sexualité, plus des circonstances externes, n'importe quoi. Et vous avez produit un acte, vous, cette personne-là, dans ces circonstances-là. Vous avez produit un acte, mais quand vous produisez un acte, vous produisez aussi la victime. C'est intéressant de voir que les deux choses arrivent en même temps. Parce que ça permet de... On va travailler certes sur l'acte, mais sur la personne, la victime, il y a les deux. Et le plus intéressant, c'est la flèche. Parce que je leur dis ça, c'est quoi ? Et on travaille après, si vous voulez, le groupe, le thème du groupe, c'est de montrer que cette flèche, c'est la liberté humaine. Donc c'est l'engagement. Et donc, je termine en faisant une croix sur la flèche, donc je brise la flèche, en disant, voilà, le travail qu'on va faire ici, c'est que cette liberté-là que vous avez engagée, en commettant un acte et une victime, vous avez fait les deux, hein, il va falloir trouver des idées pour que elle se brise, cette flèche. C'est-à-dire que vous n'engagez plus votre liberté là-dedans. Et on va travailler sur quoi ? Sur vous, qui vous êtes, quelle est votre histoire, quelles sont vos fragilités, les addictions, par exemple, je ne sais pas, l'émotivité, la colère, peu importe, la sexualité, et les circonstances externes. Alors, les circonstances externes, c'est les recherches de facteurs de risque, c'est-à-dire, c'est tout ce qui concourt de manière externe, en fait, spatio-temporel, souvent, à ce que ça se passe. C'est-à-dire, c'est toujours le soir, c'est toujours quand je lui ai donné le bain, ou c'est toujours quand j'allais lui faire des bisous pour la coucher, ou c'est toujours... bon, voilà. Et c'est quand je montais l'escalier. Donc, j'explique au patient que quand il commence à se mettre dans cette situation-là, physiquement, commence à monter les escaliers, par exemple, pour dire bonsoir à la petite, déjà, ils se sont enclenchés, même inconsciemment, se sont mis dans une situation érotique, érogène. Le temps et l'espace, j'allais dire, se mettent à être... parlant érotiquement. Et si les actes se répètent toujours dans la même situation, et en gros, c'est ça. C'est toujours, donc je fais rechercher aux auteurs comment, dans quelles circonstances, vraiment, c'est les adverbes de temps, de lieu, de manière, hein, c'est ça, hein, dans quelles circonstances ils commettent pour qu'ils aient une lumière rouge, après je fais des dessins, qui s'allume quand ils se voient en train de monter l'escalier pour leur future conjointe après qu'ils aient commis leur peine. Et qui se disent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, de monter un escalier pour dire au revoir à une petite ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà, ça fait partie. Voilà, voilà les pistes de travail. En psychiatrie, on est toujours modeste et humble. On soigne beaucoup, on guérit parfois. Et donc, en particulier, dans le cas des violences sexuelles, c'est d'une telle violence, avec des conséquences tellement graves dans la construction d'un enfant, d'un être humain en devenir, que si on peut envisager une prévention, on aura des effets nettement plus sûrs, plus importants, afin d'éviter justement la catastrophe des conséquences des violences sexuelles. Donc là où la guérison est incertaine de manière générale en psychiatrie, la prévention est plus sûre, puisqu'en termes d'intervention, on sera plus proactif sur des interventions de prévention ciblées avec des dimensions qui sont structurées et pensées. C'est pas juste venir dans une classe et parler de zizi et des zettes. C'est pas comme ça qu'on pense la prévention. C'est pas bien au moins. Comment allez-vous ? C'est-à-dire, que ça veut dire ça va vite fait, vous arrivez à gérer le sommeil, l'appétit, le moral. Votre date de libération, c'est quand ? Je sais pas trop. C'est, je sais pas, j'ai pris 2 ans, ça fait 9 mois que je suis là. Donc... 2 ans ferme. Oui. En sachant que c'était agression sexuelle simple. Hein. Et que c'était récidive, non ? Donc du coup, ça fait plusieurs fois que ça se passe. On en avait parlé déjà. Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir un tout petit peu sur pourquoi ça se répète ? Pas trop, non, mais c'est sûr que ouais. Je sais que c'est pas normal ce que j'ai fait, je regrette. Ouais. Normal, c'est-à-dire quoi normal ? Moi, ce mot, je comprends pas. Normal, ça veut dire quoi pour vous ? Ce que j'ai fait, c'est pas normal, c'est tout. C'est-à-dire c'est extraordinaire, ça veut dire quand on fait un truc de fou. Non, ça se fait pas, c'est tout. Ça ne se fait pas. Donc, genre, c'est interdit, quoi. Oui, voilà. Ah. Et vous l'avez déjà fait une fois alors que c'était interdit, vous le refaites une deuxième fois alors que c'est interdit ? Parce que dans ce moment-là, vous réfléchissez plus, parce que vous avez pris des produits, parce que vous êtes trop énervé. Je veux dans mon état normal, ah, normal, il revient souvent. Oui. Mon état normal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais du. Je sais pas, j'étais pas dans mon état normal, moi j'ai dû boire ou faire les. Boire ? Oui, voilà. Ah. J'étais pas. Donc c'est les produits. J'étais pas moi-même. Hein. À la base, je fais pas des trucs comme ça. moi-même, il n'agresse pas sexuellement. C'est quand vous n'êtes pas moi-même. Oui, ouais. Parce que je ne suis pas dans mon état normal, quoi, en fait. Je pense que c'est un état normal. Parce que je sais pas, le matin, on peut se réveiller un peu dans le pâté. Après, à midi, on a la pêche. Après, le soir, on peut être triste. C'est normal, ça veut dire quoi, normal? Je sais pas, j'étais pas de... Enfin, il y avait... Je sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est pas... Je sais pas. Alors du coup, il y a eu des conditions qui ont été réunies et ont fait que vous étiez plus dans votre état normal. Si je résume, je reformule. Est-ce que ces conditions, elles peuvent être réunies à nouveau dans l'avenir? Parce que j'ai eu un gros grave problème aussi, dans un sens. Parce que mon grand-père est mort et j'étais très proche avec. Et voilà. Du coup, ça m'a déjà... Ça m'a beaucoup touché de ça aussi déjà. Ouais, je me souviens, le contexte. Mais du coup, comme vous étiez déprimé, vous êtes mis à prendre des produits, à picoler. Voilà, j'étais pas bien. Est-ce qu'on peut d'emblée. C'est dans ce sens-là que je veux dire, dans mon état pas normal. Hein. Est-ce qu'on peut d'emblée convenir que si dans votre vie il y a un événement compliqué, vous allez voir un psychiatre ou un psychologue plutôt que de consommer de l'alcool ou des produits? Comme ça, ça peut protéger déjà. Ensuite, il y a la question de la sexualité. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de votre sexualité, c'était compliqué? Non, ça va. Normalement, vous arrivez à séduire, vous arrivez à avoir des relations. Mmh. Et du coup, s'affranchir de la séduction ou du consentement, c'est quelque chose pour vous qui est normal? Non, je sais que maintenant, non, il faut pas faire des trucs comme ça et que... Non, mais je comprends pas. C'est-à-dire que l'idée de s'assurer que l'autre... Il est en capacité de consentir ou qu'il est consentant. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut d'abord demander, dire, voilà, est-ce que tu es d'accord ou quoi. Enfin, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Ouais. Maintenant, je le sais. C'est ça, ouais. Et avant, vous ne saviez pas? Si, non, mais je me rends compte maintenant hein, que j'ai fait cette erreur. Quoi. Si on doit formuler l'erreur, c'est quoi l'erreur, en un mot? C'est quoi l'erreur que vous avez faite? Ben, avoir mis une main aux fesses à la fille. Ouais. Avoir mis une main aux fesses à la fille. Oui. Ça, c'est ce qui a été caractéristique de l'infraction, ce qui a permis de caractériser l'infraction, agression sexuelle. Donc l'erreur, c'est d'avoir commis une infraction. Ben oui, parce qu'il fallait pas le faire. Mais quelle différence vous faites entre brûler un feu rouge et mettre une main aux fesses? Ben, c'est pas la même gravité, on va dire, c'est pas la même chose. Je sais pas. Qu'est-ce qui est plus grave pour vous? Ben, tu mets aux fesses, je pense. Ah. Est-ce qu'on vous a déjà mis les mains aux fesses à vous? Non. Est-ce qu'on vous a déjà agressé sexuellement? Non. Si une femme vous met la main aux fesses, vous considérez que c'est une agression sexuelle? Oui. Mais ouais. Pourquoi? Je sais pas, vous n'avez pas l'air très convaincu. Si une femme vous montre ses seins, vous considérez que c'est une agression sexuelle? Non. Et si vous, vous lui montrez votre sexe? Hmm? Si vous lui montrez votre sexe à une femme? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire, moi. Comment on sait si elle est d'accord ou pas? Bah, il faut le demander, hein, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le consentement, je sais. Hein. À partir de quel âge on a une capacité de donner son consentement d'après vous? Après 18 ans. Après 18 ans? Tu vois, une jeune fille de 17 ans, elle peut pas avoir une relation sexuelle? Si, mais c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas trop comment ça marche, moi, tout ça. À partir de quel âge vous choisirez vos partenaires à vous, là, pour du sexe, alors? Vers mon âge, vers 25 ans. Voilà. Comment vous voyez votre avenir, vous? Vite sortir de là, travailler, voilà. Dans quoi? Dans la restauration ou autre, ouais, je sais pas. Voilà. À un moment donné, il y avait des problèmes en détention, là, ils vous prenaient un peu pour une victime, vous aviez dépression. Je sors tous les jours et plus personne n'embête. Plus de problème. Ouais. En fait, il faut savoir dire non, en fait, ici, c'est tout. Le consentement? Mais à l'envers, c'est-à-dire que pouvoir s'affirmer soit en disant oui, je consens, soit en disant non, je suis pas d'accord. Est-ce que vous arrivez maintenant à dire non, vous? Oui. Parfait. Est-ce que vous arriveriez à entendre quand on vous dit non? Oui. Du coup, on a fait des progrès, alors. Oui. L'alcool, les stupéfiants, ça vous manque? Non, du tout. D'ailleurs, quand je sors, j'ai envie d'arrêter tout ça. Parce qu'ici, vous continuez? Non, parce que là, non, j'étais au ralenti comme ça, histoire de dormir des fois un peu, mais... Non. Un bédo, c'est-à-dire? Oui, voilà. Vous tirez 3 lattes, ça suffit ou vous fumez en entier? Oui, 3 lattes. Okay. On avait mis un petit traitement pour le soir, justement, pour éviter d'avoir recours au bédo, c'était aminosérine. Est-ce que vous l'aviez pris, celui-là? Oui, ça se met aussi. Ouais? Vous l'avez gardé? Parce que je vous avais pas vu, donc du coup... Oui, j'ai dormi avec. Et vous le prenez? Oui. Ah, parfait. Est-ce qu'on peut le garder, s'il vous plaît? Oui. Parce que moi, je préfère ça que le bédo. Hein. Ça, il n'y a pas d'effet bizarre, pas de dépendance. Il n'y aura jamais de mauvaise surprise. Au niveau du moral, comment est-ce que vous vous sentez? Ça va à peu près. Enfin, on essaie de garder le moral. Moi, je fais de la psychothérapie, ouais, je l'assume. Sauf qu'il y a d'autres patients qui vont très très mal et qui ont besoin de traitement. Avec d'abord des antidépresseurs et puis des traitements freinateurs de libido. Donc du coup, on fait des ordonnances. Je suis psychiatre. Mais je fais de la psychothérapie aussi, et c'est la base. Et c'est sur la base de la psychothérapie qu'on peut dérouler quelque chose. Donc ce garçon, on va essayer de l'accompagner d'abord pour qu'il se protège mieux, parce que c'était pas le cas, il s'est fait ratatiner au début, donc maintenant ça va. Il s'était effondré aussi sur le plan thymique parce qu'il se faisait ratatiner, donc maintenant ça va, il a retrouvé un peu de sécurité psychique, et puis des fondements un peu narcissiques, et maintenant on va essayer de retravailler sur le passage à l'acte, son engagement dans la sexualité, ses interactions. Il est revenu 3 ou 4 fois là, sur consentement. Donc pour l'instant, c'est un peu stéréotypé scolaire. Mais c'est comment il va se l'approprier, comment on va l'aider à cheminer là-dessus. Ça, c'est plutôt le travail du psycho. Est-ce qu'on est d'accord pour maintenir le traitement, s'il vous plaît? Récidive agression sexuelle. Il a foutu la main aux fesses d'une fille dans la rue, puis il a tripoté, mais à 2 reprises. Dans un moment où il n'était pas bien, parce qu'en plus, un peu par hasard, lui, je l'ai vu en expertise de garde à vue. Il n'y a pas de réponse, il faut relancer, ok? Et donc, je le retrouve ici, c'est lui qui a demandé à me voir. Je fais pas ça normalement. Et donc c'est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il a repéré quelqu'un qui potentiellement peut l'aider et du coup il choisit, c'est important ça, il a choisi, même si c'était dans la perspective d'une attestation de machin, etc. Ça c'est fondamental, c'est de pouvoir justement redéfinir ensemble le cadre pour pouvoir s'engager. Donc du coup voilà, on est sur ces profils et à chaque fois on s'appuie sur le cadre pour pouvoir se remettre au travail tranquillement, de manière non menaçante, non intrusive, au rythme du patient aussi, hein. Avec la difficulté de se regarder dans la glace, hein. C'est-à-dire d'envisager le diagnostic qu'il ne peut pas encore tout à fait nommer. Parce que le mot, comme ça, ça renvoie l'étiquette à l'incurabilité, du coup à la mort, à la destruction. Soit je vous la remets au mois de septembre, soit je vous la remets maintenant. Donc on essaye de remettre un petit peu à la fois du cadre, des repères qui permettent de protéger le patient, tout le monde, de potentielles victimes, de renarcissiser un minimum pour éviter l'effondrement. Effondrement qui favorise le passage à l'acte, hein. C'est dans le monde d'effondrement le plus souvent. Sauf pour les grands pervers, mais sinon pour des névrosés standards un peu fragilou, c'est au moment d'effondrement, avec un peu d'alcool en plus qui désinhibe, qu'on favorise des passages à l'acte. C'est-à-dire que les agresseurs pédosexuels incestueux, exclusifs, à cravate, ils sont peu pris dans les mailles du filet, donc ils finissent peu ici, ou peu en consultation. Donc vous voyez, on a un biais de recrutement qui est énorme. Ceux-là sont moins pris quand même dans les mailles du filet, et moins orientés. C'est aussi la faute de la société, comment elle s'est positionnée, comment elle a... C'est clairement la responsabilité de la société, ouais. Bien sûr. Dans cette évolution-là, on a encore du chemin. Pour ensuite envisager aussi ce que j'espère être une prévention efficace, quoi. Parce qu'au-delà des beaux discours et c'est bien, c'est mal, qu'est-ce qu'on se propose? C'était la série documentaire L'inceste, prendre en charge les agresseurs. Lundi 27 septembre. Vous préférez le matin ou l'après-midi? L'après-midi, c'est possible. Ouais. Bien sûr qu'il faut prendre en charge les auteurs pour qu'il y ait moins de récidives et qu'il y ait moins d'actes. Et moins de victimes. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Avec le docteur Mathieu Lacambre, psychiatre et responsable de la filière de psychiatrie légale au CHU de Montpellier, hôpital La Péronie. Les patients... Souci, problème, petit courrier, d'accord? Magali Baudon-Bruzel, psychiatre. Bah, c'est à la pharmacie. Linda Tromeleux, psychologue clinicienne. Mais je crois que quand même, très honnêtement, il y a quelque chose de l'ordre d'une résistance. Ça passe moins bien de s'occuper des auteurs, hein, quand même. Avec justement, c'est ça qui est intéressant, en miroir des auteurs qui eux-mêmes ont de la difficulté, à un moment donné, à voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ce qui est mal. Hein, c'est-à-dire qu'ils font souffrir des victimes, ils essayent de pas trop voir. C'est intéressant de voir qu'en miroir, quand même la société, enfin ce qu'on voit là actuellement en France, c'est que on va s'occuper des victimes, mais les auteurs, on va pas justement aller vers cette réflexion qui a une partie d'eux-mêmes et une autre partie sur laquelle on peut travailler. C'est en miroir inversé de leur propre organisation psychique. Ça qui est intéressant. Là où un sujet est clivé, c'est-à-dire qu'une partie de lui-même fait quelque chose que, d'une certaine façon, l'autre partie réprouve, la réponse sociale, elle va être la même. C'est-à-dire que la réponse sociale va être,